Moi, mon truc, c'est le vélo. Pas vrai, Marcel? Oh oui, Roro. Oh, c'est chouette, le vélo. Ça décontracte. Parce que toute la semaine, tous les matins, faut se lever à 6 heures. Oh, pupille, faut faire sa toilette, on ouvre un robinet d'eau chaude. Paf, c'est de l'eau froide. Et tous les soucis, faut se laver les dents, tous les problèmes, tout ça. Tandis que le dimanche matin, c'est tout autre chose. Alors là, on se lève à 4 heures. On prend ses chaussettes en laine, son pull en laine, son bonnet en laine, et hop, et c'est parti. Et on nous pédalons tous les deux, pas vrai Marcel? Ah oui, Roro! C'est chouette le vélo. Là, tu vois, il fait un peu sombre parce que le soleil s'est pas levé. Mais quand on va arriver dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, d'un seul coup, le soleil va apparaître. Et on va être riche d'un seul coup. Nous aurons des millions de perles parmi nous. C'est la rosée du matin qui va venir sur nos pulls. Tu verras comme c'est joli. Et puis d'un seul coup, il y aura un parfum qui viendra de la forêt. Ah, c'est chouette. Moi, mon truc, c'est le vélo. Pas vrai, Marcel? Oh oui, Roro. Dis donc, tu sais la dernière nouvelle? Comment? Les Chinois vont envahir la Nouvelle-Zélande? Et puis l'Australie? Quoi? Comme elle est alliée avec les États-Unis, ça va faire une guerre internationale? Mais non, moi je te parle de choses sérieuses. Il paraîtrait que Simplex et Cyclo vont s'allier pour faire un nouveau dérailleur. Moi, mon truc, c'est le vélo. Pas vrai, Marcel? Ah oui, Roro! Oh, c'est chouette. L'autre fois, on s'est marré, dis donc. On montait la côte de Chevreuse. Il y avait un petit jeune qui avait voulu venir avec nous. Alors, on lui a dit, pour bien monter une côte, il faut un 25-10. Le pédalier 25 derrière. Il est arrivé en haut, il était crevé, on s'est marré. Moi, mon truc, c'est le vélo. Pas vrai, Marcel? Ah oui, Roro. On va aller becter du côté de Maul. Tu sais, la petite dame, comment elle s'appelle? Il y a de la joie. C'est une retraitée des chemins de fer. Elle vit dans une ancienne gare, désaffectée. Et quand on va arriver, je suis sûr qu'elle va nous dire la même chose. Ah oh, ben, je m'y attendais, vous alliez arriver, Nina. J'ai été cueillir des champignons, je vais vous faire une petite omelette pour déjeuner. Et quand on voudra la payer, elle dira, oh ben, oui, eh ben, à peu près. Moi, mon truc, c'est le vélo. Quand je vais arriver, dimanche soir, à la maison, tu sais que nous ne sommes pas très fiers, mais quand on va doubler toutes les voitures qui sont sur les bords, des voitures noires, tant pis pour ceux qui sont riches, ils ont des chauffeurs en noir, les dames sont en noir. Et nous, on va les doubler. Oh, bien sûr, ils vont écouter la radio de temps en temps pour se distraire. Ils vont écouter les résultats sportifs. Nous, on fait pas du sport, nous. On fait du vélo. On les doublera sans être goguenard. On arrivera à la maison. Alors moi, le dimanche soir, j'arrive, je le monte dans mon appartement. Mon vélo, je le démonte tout de suite. Le lundi, je le passe au pétrole. Je le démonte entièrement. Les billes, tous les clavettes, tout le pédalier. Avec un pétrole spécial que je fais venir directement d'Irak. Le mardi, j'essuie bien toutes les pièces. Moi, mon truc, c'est le vélo. Tu sais que notre nouvelle bonne a voulu partir. Elle n'a pas accepté. Je lui demandais rien. Je lui demandais simplement de faire la genuflexion en passant devant mon vélo. Elle a refusé. Le mercredi, je remonte mon vélo. Le jeudi, je le graisse, je l'huile bien avec une nouvelle huile, l'huile d'amande. J'ai piqué ça à ma femme, elle s'en servait pour les bébés. J'ai dit, oh, pour les enfants, oh. De la graisse ordinaire, parce que moi, mon truc, c'est le vélo, hein. Attention, hein. Le vendredi, je remonte tout bien mon vélo. Le samedi, je la stick, et le dimanche matin, hop, j'en pars. Moi, mon truc, c'est le vélo. C'est chouette, ah, oh, le vélo. Puis tu sais ce qu'il y a de bien? Dans mon histoire, le vélo, il n'y a pas de chute.